France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorge. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours à 16h, toujours en direct du studio numéro 1 de la Maison de la Radio, bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, nous allons modéliser, nous allons voir quels sont les moyens d'investigation mathématique, informatique, algorithmique, pour savoir ce qui se cache, par exemple, au hasard, sous les forêts, dans leur composition, et puis, en mobilisant bien sûr la plus belle, la forêt de l'Amazone. Mais, pour respecter nos habitudes, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens les narvals. Aujourd'hui, le mythe d'un animal unicorne portant donc une corne blanche torsadée aux vertus médicinales invraisemblables, eh bien, ce mythe n'existe plus, au moins chez les éclairés qui n'ont pas envie de tuer tous les rhinocéros, les narvals et autres éléphants. Mais cette dent, pour y revenir, car c'est bien une dent, interroge toujours les scientifiques. Plus exactement, il s'agit de l'extension de la dent gauche et dont la fonction fait l'objet de plusieurs hypothèses. Cet appendice est-il son acoustique gouvernail, voire même brise-glace? Autant de spéculations, surtout dues à la difficulté d'observer ces mammifères marins, car ils passent une bonne partie de l'année sous les glaces. En étudiant leur système de reproduction, des chercheurs canadiens ont avancé que la dent, apanage quasi spécifique des mâles, pouvait être un symbole de leur virilité. En examinant plus de 100 individus, tous chassés par les Inuits, ils ont noté une forte corrélation entre taille de la dent et poids des testicules chez les mâles sexuellement matures. La dent étant un trait principalement donc arboré par les mâles, sa fonction ne peut pas être essentielle à la survie, même si cela a pu être le cas dans le passé. Elle peut avoir assumé une activité vitale, mais il semble que la sélection sexuelle, donc cette fois, soit le mécanisme à la base de son évolution actuelle. Un rôle, donc, dans les compétitions entre mâles a été proposé avec, à l'appui, des observations de combats et même des relevés de blessures, comme on en voit chez les éléphants de mer. Mais l'étude des Canadiens offre une nouvelle possibilité. La dent serait un signal de la fertilité du mâle, un indice que les femelles utiliseraient pour choisir un partenaire. Bref, à nouveau, un trait retenu par la sélection sexuelle. L'étude est intéressante, mais il s'agit d'une association entre un critère anatomique et un comportement éventuel, commente le professeur Neuilla, chercheur dans un autre projet sur le narval visant à déterminer la fonction de cette fameuse dent. Il a publié avec ses collègues un compte-rendu de leurs travaux. Et là, il montre de manière expérimentale que la dent a une fonction cette fois sensorielle. Elle peut détecter les conditions hydrodynamiques, par exemple, comme la température et la salinité. Leurs arguments reposent notamment sur l'anatomie de cette défense, de cette dent immense, qui n'est pas recouverte d'émail, mais recouverte de fins canaux à même d'apporter l'eau de mer vers les terminaisons nerveuses du centre de cette dent. Mieux encore, ils ont observé que l'activité cardiaque de l'animal était modifiée lors de l'exposition de cette dent à des solutions plus ou moins salées. Une confirmation de sa qualité sensorielle. Les mâles pourraient se servir de cette fonction sensorielle donc pour identifier les sources de nourriture pour les nouveau-nés ou localiser les zones où se trouvent les femelles en oestrus, et cela en échantillonnant les substances qu'elles libèrent. Donc, la dent ne serait pas un simple ornement. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et concernant les narvals, leur environnement naturel aux conditions climatiques extrêmes en font encore une fois des animaux presque insaisissables, mais pas pour les collectionneurs ou les pharmaciens bizarres qui eux semblent très intéressés, tels. C'est donc ce collectionneur plutôt qui a déboursé pour une dent lors de la vente aux enchères en août. La somme de 14 000 euros, cela pour une seule dent de narval. Est-ce que je pourrais dire la honte sur lui ? Bonjour Alain Pavé. Bonjour Stéphane Delis-Georges. Je dis Delis-Georges, Delis-Georges. Non, Delis-Georges. Georges, voilà, c'est le prénom. Il dit en grec, ça a été francisé. Oui. Mais non, c'est Georges. Depuis qu'un douanier zélé a traduit ce patronyme d'un grec d'Asie mineure. On arrête pour la biographie, maintenant on va passer à la vôtre, avec un détail très surprenant d'ailleurs. La première fois que je vis l'Amazone d'avion, j'eus le sentiment, pardon, mais de cette espèce de, je ne sais pas comment dire, j'ai eu le sentiment que c'était un brocoli métaphysique, tellement c'était immense. Et j'ai trouvé que c'était pas complètement faux après les expériences. Mais la question, la première que je vous pose, et puis la première explication que je vous demande, c'est que vous avez été dans beaucoup d'endroits pour venir mener vos affaires, que l'on va voir, et vous êtes perdu en Amazone. Une fois, je me suis perdu à l'âge de 59 ans, et la fois d'avant, c'était à l'âge de 6 ans, en Auvergne. Vous voyez, l'Auvergne à l'Amazonie, ça commence par A, c'est la seule chose qu'on peut dire, mais c'est le seul point commun, parce que la forêt amazonienne est quand même un peu plus inquiétante quand on s'y perd. Oui, et là pour vous faire identifier, puisque c'est quelqu'un est venu vous rechercher, c'est... un garçon qui s'appelle, je ne sais plus son nom, il est dans votre livre. Pierre-Charles Dominique. Voilà, c'est ça. Et d'un groupe ethnographique bien particulier. Hein, c'est un chercheur, il était chercheur au CNRS et il était dans un laboratoire du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est ça. Donc c'est effectivement un groupe ethnique très très particulier. Oui. Et vous avez été obligé d'utiliser le flash de votre appareil photo pour vous faire remarquer et dire « Voilà, Alain Pavé est là !» Alors, je corrige ce que je viens de dire. Pierre menait le petit groupe qui est venu me rechercher. Et en fait, c'est un Saramaka qui est travaillé dans notre station. Wemo. Wemo, effectivement, qui m'a retrouvé, lui, parce que les autres se sont un tout petit peu perdus aussi avant de retomber sur moi. C'est terrible, la forêt, hein? Tout à fait. C'est comme le Sahara, ça n'a rien à voir. D'un côté, c'est désertique, mais c'est du point de vue de l'orientation pour nous, citadins, en plus. C'est touffu, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on pourrait maintenant tout de suite commencer par peut-être cet aphorisme suivant qui a fait l'objet d'un titre d'un de vos livres précédents, qui est tout simplement... Alors, on connaît évidemment le hasard et la nécessité, je le prononce, le hasard et la nécessité avec la conjonction de coordination. Vous avez fait autre chose, vous avez fait là une implication, carrément, la nécessité du hasard. Oui, ça a pu magnifique. Étonner. Oui, ça a c'est pu magnifique. Étonner. Oui, ça a pu étonner. En fait, je me suis rendu compte de deux choses. D'abord, quand on lit les ouvrages de sciences de la vie, on trouve du hasard partout. Les auteurs parlent de hasard. Donc, c'est pas une nouveauté de parler de hasard quand on fait des sciences de la vie. Cela étant, il reste évanescent. Et lorsqu'on regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit que ce hasard, de temps en temps, il est bien utile, voire même parfois nécessaire. Ne serait-ce que pour l'évolution elle-même, sans hasard, il n'y aurait pas d'évolution. C'est ça, et c'est quelque chose que vous montrez, redémontrez, oui. Toujours à l'appui, en particulier donc sur les forêts, mais pas seulement, on va voir d'autres exemples. Vous êtes de toute façon passé de la génétique, on va dire grosso modo de la biochimie, d'une certaine manière, du vivant, à l'écologie, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus englobant et ce qu'il y a de plus corrélé dans un systématisme subtil et très grand, en tout cas en ordre de grandeur et d'échelle. Hein. Tout à fait. Disons que si on regarde au niveau biochimique, par exemple, les ensembles métaboliques, c'est aussi très compliqué. Ce qu'il y a, c'est que c'est accessible au laboratoire. Une grande forêt comme l'Amazonie, elle n'est pas accessible au laboratoire. Je peux pas me faire une petite Amazonie dans mon labo. Donc, je suis contraint d'avoir des approches qui ne sont plus des approches expérimentales au sens traditionnel du terme. C'est pour ça que ça pose un autre type de difficulté, puisque essentiellement... Ce qu'on va construire un peu comme vision de l'Amazonie, par exemple, ou d'une forêt en général, c'est une vision qui va être quand même très guidée par l'observation. Oui. Ce qui veut dire que maintenant on va rajouter un deuxième mot, il faudra peut-être en rajouter un troisième immédiatement, on y reviendra bien évidemment, mais on va faire comme d'ailleurs s'intitule votre livre, hein, Les cailloux du petit Poucet, on va suivre, parce que vous avez un parcours tortueux, en tout cas zigzagant, je sais pas quel est le bon adjectif, bref, il y a un autre mot qu'il faut qu'on utilise maintenant et sur lequel on va se pencher, c'est la modélisation. C'est-à-dire une manière qui, ma foi, d'une certaine façon, on va le dire tout de suite, est heuristique dans bien des cas, mais qui ne peut s'entendre. Quand on pense à modélisation, on voit bien sûr tout de suite se dessiner des équations, des mises en équation de certains éléments, et qui dit équation dit le formalisme mathématique conséquent. Et puis on pourra montrer aussi que vous êtes dans le cadre, là encore, restons sur la forêt amazonienne, c'est évidemment un immense système complexe, avec son sol, son sous-sol, avec l'infinité, la biodiversité quasi infinie qu'elle représente, aussi bien pour les êtres macroscopiques que pour les microscopiques, les plantes. Il y a là quelque chose qu'on peut appeler, à partir des systèmes complexes, des émergences. Alors on verra comment on peut introduire la chose. En tout cas, est-ce que on peut retenir cette idée, Alain Pavé, c'est que c'est aléatoire, ou en tout cas ce hasard, pour ce qui est de l'évolution même, vous le dites au tout début du livre, c'est peut-être le moteur de la biodiversité par excellence. Autrement, on sera tous les mêmes. Tout à fait vrai. La notion de vérité, évidemment, faire attention dans le domaine scientifique de manipuler ce mot avec beaucoup de précautions. Cela étant, ce qui semble plus plausible aujourd'hui, c'est de dire que le véritable moteur de l'évolution, c'est le hasard qui fabrique de la variabilité, ce qui permet, par exemple, prenons un couple tout simplement de mammifères, d'humains. Lorsqu'on fait des enfants, eh bien, on s'aperçoit que nos enfants, même dans le cas de jumeaux homozygotes, que les enfants sont tous un peu différents. Alors on multiplie ça sur l'ensemble du vivant et en fait le hasard nous permet de fabriquer à la fois des formes semblables, parce qu'on se ressemble quand même pas mal. Un humain ressemble à un humain, on sait les reconnaître. Donc des formes semblables, mais avec des variations, des variations subtiles. Des singularités. Des singularités. Oui. Et d'ailleurs, la nature a décidé d'une certaine façon, enfin quelque chose a décidé. Souvent, vous réfléchissez à l'origine même de l'aléatoire. Qu'est-ce que c'est que l'origine de l'aléatoire, quand on le constate ? Elle a franchement tranché pour la reproduction sexuée, parce qu'autrement, c'était la sissiparité, la parthénogenèse de l'un en fait deux, mais deux les mêmes, hein. Et ainsi de suite. Alors que là, il faut conjuguer deux caryotypes, les mélanger au moment de la méiose pour faire un truc bizarre, parce que ça va être un truc singulier. En plus, il y a des échanges de morceaux de chromosomes. Enfin, il se passe des tas de choses au moment de la reproduction sexuée. Et comme disait François Jacob, c'est la plus extraordinaire machine à faire de la diversité. Et ça, je crois qu'il faut retenir ça, parce que, encore une fois, si il y a eu évolution biologique, si la vie dans son ensemble a pu subsister sur la Terre, c'est parce que très tôt se sont exprimés des mécanismes qui fabriquent de la variabilité. Donc, vous prenez prenez une population microbienne, parce que ça fabrique quand même de la variabilité, une population microbienne. Mm-hmm. Parce que à chaque division, il y a toujours des petites erreurs. C'est un peu compliqué. Et puis d'autre part, il y a aussi des processus d'échange de morceaux de morceaux d'ADN. Donc en fait, c'est pas si tranché que ça. Oui. C'est pas le même. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Donc il y a de la variabilité qui se fabrique aussi chez les bactéries comme ça. Vous remarquez d'ailleurs assez tôt dans votre ouvrage que ce qui se passe, c'est que à l'issue des grandes extinctions, et la plus grande, la dernière, c'est pratiquement 90% des espèces qui disparaissent. Et bien avec ce tout petit résidu, il va y avoir sur cette planète la diversité infinie, les pléthores de pléthores que l'on considère aujourd'hui. Tout à fait. Il y a eu dans l'histoire de la vie sur la Terre, et singulièrement depuis en gros 550 millions d'années, hein, c'est-à-dire l'explosion cambrienne, il y a eu un certain nombre de grandes extinctions, et à chaque fois, la vie rebondit. C'est-à-dire que si on regarde ce qu'on peut mesurer de la biodiversité, faire très attention parce que on a affaire à des fossiles, bon, en gros, on a quand même des tendances. Pour avoir des approches plus quantitatives, c'est pas très facile, on l'a quand même, mais on s'aperçoit qu'à chaque fois, ça rebondit. il y a une grande extinction, à chaque fois ça rebondit. J'avais même, avec des collègues, fabriqué un petit modèle pour expliquer ce rebond après chaque extinction. Donc voilà. On le voit avec les dinosaures, puisque de toute façon ils sont tous évidemment victimes de l'extinction, sauf quelques petits spécimens, et qui vont finir par devenir ailés, qui vont finir par être les oiseaux, quand on compte le nombre d'espèces de passereaux, ne serait-ce donc qu'il y a le plus gros groupe, c'est presque, pour ce qui est des oiseaux, comme les coléoptères pour les insectes, c'est absolument gigantesque. Donc, à nouveau, diversité. C'est le maître mot, là. Hein, ah oui, de toute façon, variation, diversité, c'est le maître mot. Et c'est une des propriétés essentielles des systèmes vivants, c'est de fabriquer de la diversité. France Culture, Continent Science, Stéphane Delisgeorges. Suite donc avec Alain Pavé, sous le prétexte de cet ouvrage donc, qui s'intitule Les cailloux du petit Pousset, avec un sous-titre quand même, et qui décrit bien en termes courts votre parcours, puisque vous faites ça comme une longue pérégrination, cette description. En même temps, vous racontez, en fait c'est une biographie scientifique ce que vous faites, et vous apportez tous les éléments nécessaires dans le bagage des choses que vous avez réalisées, des choses que vous avez comprises, que vous avez élucidées, les énigmes que vous n'avez pas entamées d'une certaine façon. Donc le titre du laboratoire à l'Amazonie à propos des vivants et des sciences qui en parlent. Alors, est-ce qu'on pourrait venir à un de vos premiers, une de vos premières tentatives? Vous avez dit que vous venez de Lyon, c'est très bien, donc là, ça, on va rester très homogène. Sur le verre à soie. Tout à fait. La ville de Lyon, la ville des soyeux, ainsi de suite. Bon, bien voilà. Sûr. Alors, ce n'est pas parce que c'est la ville des soyeux que le laboratoire dans lequel je travaillais s'est intéressé au verre à soie. En fait, il y a deux raisons. Il y a une raison qui est une raison très fondamentale, c'est-à-dire qu'à l'époque, nous sommes dans les années 70, à l'époque, c'est vraiment l'explosion de la biologie moléculaire. En 65, il y a eu trois prix Nobel en France en biologie moléculaire, dont Jacques Monod, auquel on faisait référence tout à l'heure avec la nécessité du hasard. Donc on est dans une époque où on va commencer à décrypter tous les mécanismes moléculaires qui permettent la protéosynthèse notamment. Et plus généralement les métabolismes, mais surtout la protéosynthèse. Et alors, qu'est-ce qu'on cherche? On a travaillé beaucoup. Bon, les Nobel de 65 ont travaillé sur des modèles bactériens. Donc, on arrive à l'époque où les gens commencent à s'intéresser, les scientifiques commencent à s'intéresser aux cellules un peu plus compliquées des métazoaires, et en particulier des cellules diverses, que ce soit des cellules d'organes, d'organismes supérieurs, ou d'autres. Alors, le problème, si vous voulez, sur ces cellules, c'est que si vous prenez n'importe quelle cellule, elle fabrique à tout moment des milliers de protéines différentes. Alors, l'intérêt du verre à soie, c'est qu'il a un dispositif particulier qui est sa glande séricigène, justement ce qui va fabriquer cette soie quand il va tisser son cocon. Eh bien, c'est cette glande séricigène qui, à un moment donné, dans la fin de la vie larvaire du verre à soie, va produire principalement deux protéines, la fibroïne et la séricine. Donc, c'est un système simplifié. Et ce que font les scientifiques la plupart du temps, c'est qu'avant d'attaquer la complexité des choses, ils regardent d'abord celles qui sont les plus simples possibles. Donc c'était la raison de ce choix. Il y avait une autre raison qui est une raison pratique, que je me permets de souligner. Mmh. C'était Lyon, effectivement, la ville de la soie. Il en reste des traces, en particulier dans toute la région lyonnaise. Il y a ce qu'il faut absolument pour élever des vers à soie. Ce sont des mûriers. Des mûriers, oui, bien sûr. Et donc, on en a planté aussi, mais on a utilisé des mûriers pour... Alors, rentrons dans l'exercice de la modélisation de plein pied maintenant. Il faut que vous mettiez en considération et en corrélation un certain nombre de paramètres. Vous observez que... la production de soie, donc la productivité de chacune de ces glandes qui produisent la soie, connaît une variation, c'est-à-dire connaît une croissance, puis une décroissance. Et là se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça n'est pas continu? C'est bien ça la question, c'est ça. Et c'est bien ce qui vous interpelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui interpelle avant moi, c'était mes collègues biologistes. Oui. Parce que c'est eux qui faisaient les manipulations. Donc, comme ils avaient analysé avec leur langage les résultats qu'ils obtenaient, mais ils étaient un petit peu limités dans leur interprétation, puisqu'ils restaient sur des schémas qui étaient bien établis, notamment de variations du pouvoir protéosynthétique, par exemple de la machine qui fabrique les protéines, parce que c'est ça qu'on venait mesurer, en fait. Donc ces variations au cours du temps qui sont essentiellement fondées sur les systèmes de régulation du gène. Il faut se souvenir que, encore une fois, grande référence à l'époque, nos prix Nobel, c'était l'opéron lactose. Oui. L'opéron lactose, c'est donc cet opéron qui va réguler l'expression de l'ensemble des gènes de la chaîne métabolique du lactose. On est sur ce système-là, donc on est imprégné de cette culture. Et l'une des grandes difficultés que j'ai eues par ailleurs sur d'autres sujets, c'est de penser autrement. Alors, la première pensée... C'est là votre malice, c'est là votre heuristique. On peut peut-être dire, avant que vous poursuiviez, parce que vous n'avez pas prononcé le mot, vous parliez de dogme. Bon, la chose était, à l'époque, bien fixée. C'est-à-dire qu'il y avait les gènes, qui à un moment s'exprimaient en produisant de l'ARN, qu'on appelle messager, et qui, alors là, avec une seule fonction, c'était de produire une protéine. Donc, gène, ARN, protéine. Bien sûr. Ça, c'était le grand dogme de l'époque. Oh, ça a été le dogme presque jusqu'au milieu des années 90. C'est ça. C'est à partir, en gros, de 95, et surtout début des années 2000, que les choses ont commencé à changer, et notamment lorsqu'on a eu pour la première fois un génome complet humain, et on s'est aperçu que le génome complet humain, c'était bien gentil de l'avoir, mais ça nous permettait pas de comprendre l'ensemble de ce qu'était un être humain. Voilà. Bien sûr. Donc il y avait autre chose, c'était pas si simple que ça. Alors revenons à notre affaire de croissance et de décroissance. Alors que normalement ces ARN devraient avoir une fonction où elles produisent des bactéries, des enzymes, de manière continue. Qu'est-ce qui leur prend? Qu'est-ce qui se passe? Se demande celui qui cherche à comprendre. Alors, ce qui se passe. Alors, à l'époque, donc, nous avons cette courbe qui, courbe moyenne. Lorsqu'on a des points expérimentaux, on a l'habitude de dessiner une courbe moyenne pour avoir la tendance générale du processus qu'on étudie. Donc, avec une phase de croissance presque exponentielle, on passe par un maximum et après, ça se met à décroître. Et à la fin, ça va disparaître totalement parce que la glande séricigène elle-même va disparaître. Oui. Donc, et là, le ver fait son cocon. Et le ver fait son cocon. Oui. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est que, en gros, la quantité d'ARN, l'ARN, on le trouve partout dans la cellule. Donc, la quantité d'ARN représente bien la machinerie cellulaire. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une synthèse, ça c'est synthétisé, et là à partir de gènes, alors soit des copies de gènes pour les ARN messagers, etc. C'est ça. Enfin, oui. Bon, peu importe, on va pas rentrer dans le détail. Mais sous la commande génétique. Voilà, c'est ça. Donc ou bien donc on a ces ARN, et ces ARN sont synthétisés et en même temps ils sont dégradés. Alors, au début, on ne pensait pas qu'ils étaient dégradés en même temps. C'est là où on parle de régulation. C'est-à-dire que au début, on pensait qu'il y avait deux phases. C'est-à-dire que la phase croissance, c'était la synthèse. Et puis après, il y avait, en gros, des répressions du gène d'une enzyme, en l'occurrence une RNase, qui dégradait ces ARN. Donc, il y avait deux phases. Alors, le premier acquis en modélisation, c'est que j'ai pris un modèle en fait qui existait dans la littérature, qui avait été inventé par Kosygin, un Russe, dans les années 30. Les Russes ont été extrêmement extrêmement actifs dans ces domaines-là. Et j'ai pris ce modèle-là et en utilisant ce modèle, j'ai dit mais il n'y a pas besoin d'avoir cette hypothèse. La dynamique propre du système suffit pour expliquer l'ensemble. Donc on fait déjà l'économie d'une hypothèse, c'est-à-dire de quelque chose un peu compliqué, qui est une espèce de répression, des répressions, etc. Donc déjà, une première simplification. Et puis, en allant un peu plus loin, on avait des résultats concernant des ensembles de souches de ver à soie. Oui. Donc on avait des souches différentes, évidemment avec des dynamiques différentes. Et on se posait la question, comment peut-on interpréter ces différentes dynamiques? Et premier réflexe, c'est la synthèse qui est, en quelque sorte, qui est modulé au cours de la vie finale de ce ver à soie. C'est donc une modulation de la synthèse. Eh bien, on a pu montrer, bon, la technique est un petit peu compliquée, mais on a pu montrer que l'hypothèse la plus vraisemblable, c'était plutôt la dégradation. C'est-à-dire qu'en jouant sur l'affinité de l'enzyme de la RNase, le système biologique arrivait à réguler de façon tout à fait, sans se compliquer la vie, avec des tas de contrôles partout, arriver par sa propre dynamique à réguler cette quantité de RNA. Et encore une fois, simplification dans les hypothèses. Et je signale une dernière, peut-être pas tout à fait une dernière, mais presque une dernière chose, c'est que ça a été retrouvé sur un autre système particulier, qui est le réticulocyte de lapin, qui fabrique de l'hémoglobine. Voilà, c'est donc une des cellules, c'est un peu les mêmes caractéristiques, très spécialisées à un moment donné de sa vie. Si je peux me permettre, pour résumer, pour conclusion, donc, le travail, c'est, on va essayer de dessiner la division des tâches. Il y a des biologistes, des généticiens qui observent ce phénomène croissance-décroissance. Et puis, vous commencez à modéliser la chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous faites l'épure mathématique des paramètres en présence, et vous regardez. Et le petit passage, le hiatus heuristique, si je peux l'appeler comme ça, c'est que, en fait, vous allez vous rendre compte, et vous allez démontrer, par rapport à la comparaison entre des souches de ver à soie différents, qu'il y a des dégradations d'ARN qui sont moins efficaces. Exactement. Exactement. Et ça, là, vous avez trouvé la combine. On a trouvé la combine. On a trouvé la combine et on a vu, ça avait un autre intérêt, c'est que c'était, à ma connaissance, la première fois qu'on détectait l'effet moléculaire d'une sélection, qui est une sélection artificielle. Les souches qu'on avait, elles étaient issues de la sélection artificielle. Donc, vous voyez qu'avec ce modèle simple, d'un seul coup, on a trouvé tout un tas de résultats qui n'étaient pas attendus au départ. Et je crois, l'une des choses importantes dans la recherche, c'est de trouver de l'inattendu, parce que l'attendu, bon... Évidemment, bien évidemment. Et ça, c'est ce qui motive la libido cognescendi qui vous anime depuis longtemps dans votre parcours, puisqu'on va reprendre une autre étape, suivante même, d'ailleurs, si on est chronologiquement fidèle. De l'ARN, vous passez à la bactérie cette fois, donc, et là, vous venez du côté des plantes. Et puis, vous rencontrez donc une bactérie qui s'appelle Rhizobium japonicum. Vous dites qu'il a un nom charmant. C'est joli. C'est vrai, Rhizobium japonicum. Alors, portrait robot de cette bactérie qui, semble-t-il, donc aurait quelques capacités à fixer l'azote. Voilà, c'est tout à fait. Alors, quelle belle histoire. Donc, le Rhizobium japonicum, qui n'est pas présent dans nos sols européens, donc, comme son nom l'indique, vient quelque part du Japon. Et au moins d'Asie. Et donc, ce rhizobium a cette caractéristique, c'est de fixer l'azote et de pouvoir la transmettre à des plantes, pas toutes les plantes, mais un certain nombre de plantes, à transmettre cet azote qui est quand même un des éléments importants pour assurer la croissance des plantes. Bien sûr. Et éviter éventuellement l'apport d'engrais chimiques. Rajouté, oui. Donc là, c'est un magnifique mécanisme qui, bien employé, peut faire une agriculture écologique et bien tempérée. Voilà, exactement. Et c'était notre espérance à l'époque. Mais vous savez, il faut du temps pour passer du laboratoire au terrain. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Je travaillais, je sortais du ver à soie, en quelque sorte, et je me suis mis à travailler avec les gens d'écologie microbienne. Donc, vous étiez papillon à ce moment-là. Alors, c'est pas vraiment papillon, je m'explique. C'est que quand j'ai travaillé sur le modèle ver à soie, donc j'ai développé tout un tas de, disons, toute une technologie de modélisation qui a été lourde à développer. Je me suis quand même plongé dans des mathématiques pas toujours très simples. Et arrivé au bout du compte, mes chers collègues de la biologie moléculaire se mettent à séquencer. Alors, ce que j'avais fait, bon, c'était intéressant, mais c'était plus leur problème. Et moi, j'allais pas me lancer dans les manips. J'étais pas très compétent pour les faire. Évidemment. Et j'ai trouvé donc un sujet extraordinaire. Un autre modèle. Oui. Et dans lesquels mes outils pouvaient fonctionner. Ça, c'était la raison personnelle pour laquelle je me suis intéressé à ça. Et puis, il y avait une demande. C'est-à-dire que mes camarades d'écologie microbienne sont venus me voir Ils sont venus me voir en me disant « Ce que tu fais, ça nous intéresse, est-ce que tu peux, après le verre à soie, t'occuper de nos bactéries et de nos champignons du sol ?» C'est ce que j'ai fait. Alors ces composés qui sont donc ces composés assimilables par ces plantes, il s'agit en l'occurrence du soja si je me trompe pas. Alors c'est sur le soja, mais ça peut très bien, on peut imaginer de le mettre dans d'autres systèmes. Pour l'instant c'est le soja. Et quelles questions vous vous posez à ce moment-là dans votre modélisation? Alors donc je vais importer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, faut prendre l'idée des biologistes au départ. C'est eux quand même qui ont les idées au niveau de l'agronomie, au niveau de la biologie. Donc l'idée est la suivante: on va essayer de voir si cette bactérie va survivre dans les sols, dans nos sols. Rien ne prouve qu'elle peut survivre. Bien sûr. Donc on fait des expériences en laboratoire. Et ces expériences en laboratoire montrent que, quelle que soit la quantité de bactéries qu'on mette dans ces sols, eh bien, la population va tendre vers à peu près toujours le même point. Alors bon, je vais dire équilibre, j'aime pas beaucoup utiliser le terme équilibre, mais c'est pour simplifier. Donc va tendre vers le même équilibre. Or, j'avais pu montrer auparavant que pour les modèles qui étaient, ou les idées qui traînaient dans l'air, c'est-à-dire que ce qui limite les populations bactériennes injectées dans les sols, c'est la compétition avec les autres, les autres éléments de la flore du sol. Les natives, là, en l'occurrence. Voilà, les natives. Hein, et les endogènes. Et puis, alors là, je leur dis, écoutez, moi, ça me va pas, parce que, déjà, une première chose, dans mes modèles de compétition, le point d'équilibre auquel on arrive après un certain nombre de jours, c'est en général c'est de l'ordre de 10 à 20 jours. Donc le point d'équilibre auquel on arrive, eh bien ce point d'équilibre dépend de la quantité injectée au départ. Or là, c'était pas vrai. C'est-à-dire qu'on avait toujours le même point, qu'on soit au-dessus, on partait soit au-dessus, soit du dessous, et on allait toujours vers le même point d'équilibre. Et il y avait une chose que j'avais remarquée en regardant les données. Je me trouvais très bien ce jour-là. On était dans une salle de réunion. Il y avait un écran devant moi. Je vois les points. Je leur dis, mais vous savez, là, ça commence comme des oscillations. Réfléchissez une seconde. Est-ce que vous n'auriez pas, non pas de la compétition, parce que je ne vois pas comment ce que vous avez peut être explicable avec ce que je sais de la compétition, de mes modèles de compétition. Donc, vous n'auriez pas, par hasard, un prédateur. C'est pas un prédateur qui limite votre population. Et on est parti sur cette hypothèse, et on a trouvé le thésard qui travaillait sur ce modèle, surtout sur la population bactérienne, a isolé le prédateur qui était une amibe, et il a pu l'isoler, la mettre sur une boîte de pétri avec des rhizobiums, voir qu'elle mangeait les rhizobiums avec beaucoup de plaisir, qu'elle se divisait sur les rhizobiums. Enfin, c'était assez extraordinaire. Donc on a trouvé, là le modèle, pareil, nous a permis de trouver quelque chose qui était inattendu au départ. Voilà. Caché. C'est ça. Avant l'explication, pour résumer d'un mot, ça vient à l'équilibre. Pour le biologiste, c'est normal, ça s'équilibre de façon naturelle par petites oscillations. Ouais. Et ça s'équilibre pas comme ça, c'est parce que il y a une amibe qui mange quelques surplus. C'est bien ça. Ouais. Hein, j'ai pu résumer. Quelquefois un peu plus que le surplus. Oui, même quelquefois, nettement plus que le surplus. C'est un rhizophage. Alors c'est un, je sais, on lui a pas donné de nom particulier, mais on peut lui donner le nom de rhizophage. D'ailleurs, je crois que j'utilise. Vous l'avez. C'est de vous que je le tire. Ouais, non, mais c'est moi qui l'ai inventé, hein, faut être clair. Ah bah c'est bien, rhizophage. Non, parce qu'il y a le phage, très célèbre. Hein, c'est le moment où des amibes se nourrissent de bactéries, quoi. Hein, c'est un grand moment, ça aussi. C'est un grand moment. Parce que il faut quand même trouver des moyens. On n'a pas de bouche, on n'a rien, on est unicellulaire et on se nourrit. Alors, donc c'est une belle aventure là encore. Là, dans le livre, je parle de notre boson de Higgs. Alors évidemment, à l'époque, on ne parlait pas de boson de Higgs, parce qu'il n'était pas encore à la mode. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que dans notre modèle, nous avions une particule qui manquait. En l'occurrence, ce n'était pas une particule, c'est un type d'organisme qui était un prédateur. Donc il fallait le trouver, c'est comme ça qu'on est parti à la chasse aux prédateurs, comme nos collègues physiciens sont partis à la chasse au boson de Higgs. Bon, la seule différence, elle est énorme, c'est que les frais engagés sont complètement différents. Nous, c'était du laboratoire de biologie, c'est pas des accélérateurs immenses. Toute petite question avant la pause musicale que va nous suggérer et nous mettre dans l'oreille d'Annie Journoux, par rapport à votre histoire de boson de Higgs, dans la théorie standard, il est absolument prévu. S'il n'avait pas été là, ça aurait été la grande surprise. Donc c'est la puissance prédictive, là, dans ce modèle, avec évidemment toutes ces petites gymnastiques extrêmement subtil de symétrie, de brisure de symétrie, de type de chant particulier. Je trouve qu'il y a une différence quand même. C'est d'une certaine façon, c'est plus heuristique votre affaire. Parce que c'est le grand inconnu, lui. Alors que l'autre, on connaissait sa figure. S'il n'avait pas été là, bon, il aurait fallu changer la théorie. C'est plus futé, votre truc, d'une certaine manière. Oh, quand même pas exagéré. J'ai beaucoup d'admiration pour mes collègues physiciens. Bien sûr. Mais il est vrai que là, on est un inconnu beaucoup plus grand. On est devant un inconnu plus grand. Et voilà, franchi notre petite pause musicale, toujours pour ce rendez-vous de Continent Science, toujours en compagnie d'Alain Pavé. Et toujours, bien sûr, à essayer de comprendre cette merveille méthodologico-heuristique qu'est la modélisation. On va pratiquer maintenant, on va rentrer dans un peu plus de concret. On va revenir sur ce brocoli métaphysique que j'avais désigné comme ça, mais qui vous impressionne beaucoup, hein, parce que vous l'appelez, vous l'émeraude, hein. C'est une émeraude pour vous. Le nom n'est pas de moi. Hein, c'est John Borman qui parle de la forêt d'émeraude. La forêt d'émeraude, oui. Et ça a donné le titre d'un film. Ce film, c'est son bien film. Bien sûr, c'est ça. Oui, d'accord. J'avais oublié ce détail. Alors, là, on va se mettre au-dessus de cette forêt. Bon, vous discutez même de savoir comment on peut en avoir la superficie. Elle fait quelques millions de kilomètres carrés, 6, bon. Elle est un fourmillement de diversité, aussi bien dans l'espace pour les grands arbres, sur le sol, avec tout ce qui s'y passe, les plantes qui poussent, bien sûr, et puis les herbes, ainsi de suite, les fleurs, et les animaux. L'infinie variété des insectes, des mammifères, des vertébrés. Bon, et puis, alors le sous-sol, et il est drôlement étagé aussi, le sous-sol. Donc là, on a affaire à quelque chose qui est incroyablement complexe, incroyablement fruit de la diversité, donc de cette nécessité permanente de la diversification due au hasard dans les mécanismes de l'évolution. Qu'est-ce que vous faites ? Dans un premier temps, vous posez la question de savoir si c'est homogène ou hétérogène. Alors, la première chose, c'est que je suis pas le premier à avoir travaillé sur l'Amazonie. Donc, peu importe. j'hérite quand même de savoirs de mes collègues et la communauté scientifique française a été très présente en Amazonie pour une raison simple, c'est que nous avons un morceau d'Amazonie. Comme territoire national, c'est la Guyane. Donc il y a eu quand même pas mal de chercheurs. Et quand je me suis perdu, c'est parce que j'étais en plein milieu de la forêt, dans une station de terrain, de collègues qui avaient développé cette station, bon, peu importe les détails. Et c'était dans le cadre d'un très beau projet CNRS Amazonie. Voilà. C'était 2002, 2009, 2010. Ça a été jusqu'en 2011, en fait. Les recherches ont poursuivi jusqu'en 2011, donc une dizaine d'années, en gros. Profitons de dire que là, c'est obligatoirement pluridisciplinaire. Il faut des spécialistes spécialités, si je puis dire. Bien sûr, puisque nous avons des sciences de la vie, mais nous avons aussi de l'archéologie. Les archéologues ont fait des choses absolument remarquables. D'ailleurs, je me permets les Indiens, effectivement, dans l'Amazonie. Donc, font des choses. Archéologues, anthropologues, etc. Donc, il y a réellement un gros travail qui a été fait, et ça va. Pour les sciences de la vie, la biologie moléculaire jusqu'à l'écologie. D'accord. Donc oui. Revenons à la question. Alors, cette Amazonie, cet espace très grand. Cette forêt. Cette forêt. très grande, parce que l'Amazonie, proprement dite au sens géographique du terme, c'est un peu plus grand. C'est de l'ordre de 7 500 000 km². Mais la forêt, elle fait quand même 6 millions de km². C'est la deuxième forêt du monde, après la forêt sibérienne. Donc c'est les deux plus grandes forêts, et pour les forêts tropicales, c'est la plus grande forêt tropicale. Très diversifiée, c'est vrai, 16 000 en gros, hein, c'est une estimation, 16 000 espèces d'arbres différentes. Si vous prenez un hectare de forêt amazonienne, prenons un hectare en Guyane par exemple, vous avez de 150 à 200 individus qui espèces pardon, qui sont représentées par au moins un individu. Donc, alors que sur le territoire européen, vous avez de l'ordre de 130 espèces natives. Je parle d'espèces natives, évidemment. Je ne parle pas des espèces importées. Oui, pas les invaders. Oui, voilà, exact. D'accord. Elles ne sont pas invaders, c'est par exemple toutes les espèces ornementales. Ah oui, oui, hein. D'accord. Donc si on regarde les arbres natifs, en quelque sorte, de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, classiquement, eh bien, c'est 130. Vous avez plus de diversité à l'hectare de forêt amazonienne que vous n'en avez sur l'ensemble de l'Europe, 10 millions de kilomètres carrés. C'est quand même intéressant. Hotspot de la diversité, là, c'est clair et net. Hein. Exactement. C'est clair et net. Et alors, on a des estimations évidemment assez précises pour les arbres, et on a par contre beaucoup moins d'estimations. Alors sur les grands animaux aussi, on sait à peu près quel est le nombre d'espèces des grands animaux. Alors je parle grands animaux évidemment des mammifères. Il y a énormément d'insectes. Là, on est loin d'avoir fait le bilan. Et alors, pour ce qui concerne les micro-organismes des sols, alors là, on est dans une espèce d'interrogation aujourd'hui. Aujourd'hui, je dirais, il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être que mes collègues d'écologie microbienne ont fait des progrès depuis lors. On a trouvé moins de diversité qu'on attendait. C'est-à-dire que cette diversité microbienne semble moins grande que ce qu'on attendait. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce que, encore une fois, c'est difficile. Donc les estimations qu'on a, elles sont locales, etc. Mais c'était aussi une surprise. Bien. Alors, revenons à cette forêt. Comment va-t-on la décrire ? Disons les choses, par exemple. Si on considère qu'elle est homogène, il y a une répartition totalement continue, sans sous-structure. C'est pareil partout, quoi. Grosso modo, si c'est homogène, c'est, pour prendre un concept de physique, c'est isotrope, quoi. Partout, voilà. On regarde dans toutes les directions, c'est la même chose. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il y a déjà des conditions de milieu qui peuvent faire que, par exemple, je prends des espèces près d'un fleuve. Enfin, les arbres qui vont pousser près d'un fleuve sont plutôt adaptés à des sols qui sont humides, voire anoxiques. Si vous prenez des sommets de collines, vous aurez d'autres espèces. Alors quelquefois, ça se mélange quand même. Alors il y a déjà les conditions de milieu sont quand même assez déterminantes pour préciser qui va pousser là ou là. Cela étant, une fois que c'est dit, la forêt, c'est un. Alors j'essaye de prendre un mot assez neutre, un grand bazar. C'est ça. C'est-à-dire que c'est très. Vous avez autour d'un arbre le plus proche voisin. Appartient très rarement à la même espèce que l'arbre duquel vous partez. Alors faisons les scientifiques, on va dire c'est le grand bazar, ça veut dire l'hétérogénéité. Hétérogénéité, donc c'est une distribution surtout aléatoire, je vais un peu vite, mais quand même, on peut se poser la question, pour la petite histoire, c'est qu'on a cherché des structures. Alors, je ne vous dis pas les statistiques qui ont été faites. Alors, on trouve évidemment des petites structures. Ben, on trouve des structures liées au milieu, ça c'est clair. Notamment les conditions édaphiques, c'est-à-dire des propriétés des sols. Mais... Oui, oui. Alors, cela étant, on voit très très peu de choses ordonnées. Très très peu. Alors, revenons sur la méthodologie, parce que vous l'expliquez extrêmement bien dans ce livre que je recommande vraiment à tout le monde pour comprendre ce que c'est que la puissance de la modélisation dans ce cas-là. Bien, vous dessinez simplement sur une feuille des grands cahiers, vous faites un quadrillage. Et puis, vous dessinez des colonnes qui représentent le nombre d'espèces. Et puis, vous faites des lignes, ou l'inverse, et les lignes représentent le nombre d'individus. Oui. Hein. Et donc, on commence à avoir, et vous l'appelez d'ailleurs, un début de paysage. Tout à fait. Alors, ce qu'il y a, c'est que, donc la question qu'on pouvait se poser, enfin que je me suis posé à titre personnel, c'était de dire, dans l'imaginaire écologique général, hein, parce que la science participe aussi beaucoup de cet imaginaire, on aurait aimé, mes collègues écologues auraient aimé trouver des structures. On a cette espèce d'idée organiciste, en quelque sorte, que des ensembles vivants vont s'auto-organiser. Donc vont se regrouper par affinités diverses, etc. Alors c'est vrai que si vous prenez des sociétés de fourmis, on s'aperçoit que dans ces sociétés de fourmis, vous avez, si on parle de société d'ailleurs, c'est pas par hasard, c'est que on a non pas des populations avec des individus qui sont complètement indifférents, vous avez des individus qui sont spécialisés dans certaines tâches. Donc alors pour ce qu'on a vu sur les arbres, bien les arbres. Hein. Sur les arbres, eh bien, il n'y a pas a priori de structure évidente. Il n'y a pas de structure évidente, et je dirais même, toutes celles qu'on a cherchées, on ne les a pas trouvées. Et alors, pourquoi c'est... Quelle est, en quelque sorte, la propriété d'un système qui est hétérogène, très diversifié et hétérogène? Alors, avec mes petits schémas, il y a quelques équations de temps en temps quand même, mais avec mes petits schémas, on peut montrer que si vous comparez deux structures, une structure très ordonnée avec, par exemple, la même diversité organisée en espèce de lot, de patch, et que tout ça c'est côte à côte, vous avez la même diversité, et l'autre qui vous avez une diversité complètement répartie sur le plan, eh bien vous apercevez que la structure aléatoire est beaucoup plus résiliente que la structure ordonnée. Donc si vous avez un accident majeur environnemental, par exemple, prenons une météorite, tant qu'à faire, dans notre imaginaire, donc on prend une météorite qui tombe sur la forêt, eh bien, si c'est organisé par patch, eh bien, tous ceux qui sont impactés, ils disparaissent. Oui. Alors que si c'est aléatoire, il y en a un peu partout. C'est disséminé. Donc l'intérêt, en quelque sorte, il faut éviter l'anthropomorphisme, mais disons, la propriété, alors là, qui émerge, de l'auto-désorganisation, parce que c'est justement là où il y a le contre-pied de ce qui se dit par ailleurs, c'est une véritable auto-désorganisation. Les graines sont distribuées par des animaux qui se baladent. Bien sûr, voilà. Bien sûr, qui répondent. Alors, revenons aux arbres, parce que là, vous avez donné le schéma abstrait. Mais je vais essayer de prendre un exemple de votre livre, je vais pas regarder mes notes, et donc je vais essayer de le reproduire. Vous vous rendez compte, je vais dire n'importe quoi, je vais prendre le palmier dattier, le peuplier, ça fait rien, hein, et je n'ai aucune chance de les trouver ni là-bas. Ni l'un ni l'autre en Amazonie. Bien sûr, j'appellerai l'arbre A et l'arbre B. Bon. Pourquoi y a-t-il, par exemple, on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il une concentration forte, à un certain endroit, de A et B? Première chose que l'on va chercher, et c'est là où, après votre schéma abstrait, il faut retourner sur le terrain pour vérifier, parce que vous lancez des hypothèses. Parce qu'ils ont des affinités avec certains types de terrain, par exemple. Alors oui, bien sûr. Ou au contraire, pourquoi ils ne peuvent pas se sentir? Eh bien parce qu'ils sont en compétition, et qu'ils vont pas se battre, et donc ils vont chacun se répartir dans un coin, où ils vont trouver pitance, sans se battre avec l'autre. Oui, c'est vrai, mais ça suffit pas. Ouais, ça suffit jamais. Mais en tout cas, on a fait avancer, si je puis me permettre, le schmilblick. Mais ça suffit pas. Parce que si vous rentrez dans un schéma de compétition avec l'exclusion compétitive, c'est-à-dire ils ne se supportent pas, donc ils s'éloignent. Donc ils s'excluent l'un l'autre. Donc ce que vous allez observer comme répartition, ce n'est pas un mélange des individus. C'est une répartition par patch, justement. Or, c'est pas ce qu'on voit. C'est justement pas ce qu'on voit. Oui. Donc l'explication par l'exclusion compétitive ne marche pas. C'est donc qu'il y a alors l'exclusion compétitive existe quand même. C'est un des, je dirais, des mécanismes fondamentaux qui a été démontré d'ailleurs par un autre Russe dans les années 30 toujours, Gauss, qui avait fait des manips alors là au laboratoire dans des systèmes très simplifiés. Mais là on s'aperçoit que l'exclusion compétitive ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des mécanismes de distribution, en gros, des graines, des mécanismes. C'est un peu c'est pour ça que j'appelais ça des roulettes biologiques. C'est aléatoire, là. C'est voilà. Aléatoire. Il y a des processus biologiques et écologiques qui engendrent de l'aléatoire. Alors, cette fois, faisons le schéma méta-conceptuel, si je puis dire. On a vu comment on cartographiait, comment on faisait le maillage, ensuite on compte, on regarde, on essaye de savoir, en particulier dans les sous-sols, s'il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments de sauvegarde, puisqu'ils azotent le milieu, et donc ils vont permettre la croissance des arbres, ainsi de suite. Bien. Quel est maintenant la différence que vous faites entre... Parce que si on regarde, prenons une autre science, la physique classique, elle pose d'abord, en tout cas la physique classique, elle pose d'abord des schémas de causalité stricts, donc qui sont avec un déterminisme sous-jacent, évidemment mis en jeu, mis en clair par les lois. Si je regarde et je veux comprendre dans le système newtonien, bien évidemment, par relativité générale, le déplacement des planètes, la chute des pommes, là, on est dans un univers parfaitement réglé, il n'y a pas d'aléas, et c'est déterministe. Très bien. Et vous opposez, vous, le déterminisme et l'aléatoire, plus exactement, le hasard. Et comment est-ce qu'on peut le définir dans un premier mouvement, ce hasard, cet aléatoire, puisque vous dites qu'il faut pas confondre déterministe, et vous prenez même des exemples de jeux de hasard déterminés d'une certaine manière. Hein. Vous allez le prendre avec la pièce, par exemple. Hein. Donc voilà, comment vous faites avec ça? Alors voilà. Avançons donc pas, regardons comment voilà. Ça se fait. Voilà. Je crois qu'il faut pas. D'abord, il y a deux choses qu'il faut éviter. C'est de confondre déterminisme et prédictible. C'est pas parce que vous êtes en présence d'un système déterministe que vous saurez forcément prédire ce qui va se passer. Alors, le cas typique, vous prenez une pièce de monnaie parce c'est que ça. C'est le plus simple, c'est ce qu'on utilise quand on fait des cours de probabilité. C'est ce qui a commencé au XVIIe avec la théorie des jeux, exactement, ainsi de suite. Exactement. Et Pascal y a joué tout à fait. Et Fermat. Et c'était quand même les grands inventeurs du calcul des probabilités. Et donc, si vous prenez une pièce de monnaie, que vous la lancez en l'air, et que vous faites attention de pas la lancer n'importe comment, ou plutôt si, il faut la lancer n'importe comment. Qu'elle fasse plein de rebonds. Faut qu'elle tourne plusieurs fois en l'air et qu'elle rebondisse sur une surface dure. D'accord. Et à ce moment-là, l'issue est imprédictible. Vous ne savez pas si ce sera pile ou face, mais vous saurez que ce sera pile ou face. Ça, c'est sûr. Alors ça, c'est certain. Par contre, vous ne pouvez pas prévoir au cours d'un lancement, quelle que soit la position que vous donnez à votre pièce au départ, vous ne pouvez pas prévoir l'issue, en quelque sorte, de l'expérience. Et alors que la pièce de monnaie, qu'est-ce que c'est? C'est du métal. C'est cylindrique avec une hauteur très faible, mais c'est du métal, c'est justiciable, si je puis dire, oui. d'une approche de mécanique newtonienne complètement. Et on peut écrire les équations. D'ailleurs, il y a des collègues qui l'ont fait il n'y a pas si longtemps que ça, et on peut montrer pourquoi justement le résultat n'est pas prédictible. Donc vous avez un système qui est complètement déterministe, qui peut se décrire avec les équations de la mécanique newtonienne, et le résultat n'est pas prédictible. Gardons, Alain Pavé, votre exemple. C'est-à-dire que dans le premier cas, je le lance, mais ce qu'on va dire, on va utiliser le terme de dynamique qui s'impose, c'est la sensibilité aux conditions initiales, l'affaire qui nous intéresse maintenant. Donc, si je fais, je ne sais pas quelle fantaisie de lancer, que ça se retourne plusieurs fois dans l'air et que ça rebondit sur une face dure, la prédictibilité zéro, puisque les trajectoires possibles sont... Si, très gentiment, elle fait un rebond, on tombe sur le cas d'espèce que vous avez donné, on a... C'est 1 sur 2, dans ce cas-là, qui est donc la loi de probabilité bien construite. Donc en gros, si vous voulez, puisque vous avez énoncé le terme de sensibilité aux conditions initiales, ce qui est très intéressant au niveau, je dirais, épistémologique, c'est que dans son introduction au calcul des probabilités, à son ouvrage sur le calcul des probabilités, Henri Poincaré cite exactement, il ne cite pas la pièce, mais il cite la toupie. Mmh. Il dit « je lance une toupie et je ne peux pas dire où sur la piste sur laquelle j'ai lancé ma toupie, où elle va s'arrêter et quelle sera l'inclinaison de son axe. » Donc ils disent c'est trop sensible aux conditions initiales pour que je puisse prédire exactement alors que c'est de la mécanique, il a ses équations, Poincaré. Donc il dit je peux pas prédire. Et ça c'est très il l'a dit à cette époque-là et très curieusement on l'a oublié. On l'a oublié, c'est-à-dire que cette remarque... Oui, historiquement, quand on regarde l'histoire de la physique, on peut le constater. Oui, on n'avait peut-être pas encore, les maths, c'était pas prêt. Il y a eu le chaos déterministe qui a été retrouvé par des physiciens dans les années 60. Hein. Oui. Dans les années 60, oui. Donc, mais à part ça, il a fallu du temps pour qu'on se rende compte qu'on fasse surtout cette différence entre prédictibilité et puis déterminisme. Et j'ai lu que l'école de Nice, qui travaille sur la stabilité du système solaire, nous a dit qu'en gros, on ne pas, je crois que c'est Jacques Lascar qui est à l'Institut d'astrophysique de Paris. Mais enfin, il faut dire qu'il est astronome. Il est astronome. Mais il nous dit très bien qu'on ne peut pas prévoir exactement la position des planètes au-delà de 65 millions d'années. Ça va chaoter, là, oui. Le joli balai parfaitement réglé va se mettre à battre la charade. Voilà. Oui. Et quand on regarde le début du système solaire, c'était un bazar épouvantable. Oui. Il s'est passé plein de trucs. Et puis ça s'est ordonné avec un nombre de planètes dont le nombre varie, mais parce que c'est un problème de définition. Ça vous fascine, ce hasard, depuis toujours, hein. Et puis, il y a une chose sur laquelle je voudrais appuyer, c'est l'extraordinaire malice que vous avez pour regarder des fourmis, des vers à soie, des platanes, que sais-je encore. Vous avez même fait des études sur le ragondin, qui est donc un intrus dans les étangs des Dombes près de Lyon. Comment est-ce que je peux vous appeler un modélisateur, celui qui ordonne par la force des mathématiques, la puissance des graphes, ainsi de suite, le désordre de la nature? Je ne refuse pas cette dénomination. Je crois que c'est un peu ça qui me caractérise. Et c'est grâce à ces modèles que j'ai pu justement aborder ces différents sujets. Au lieu de rester figé sur un objet biologique particulier, j'ai pu me promener en quelque sorte dans les sciences du vivant, parce que j'avais ces petits cailloux. Donc ces petits cailloux, ce sont mes modèles. Et vous travaillez sur quoi en ce moment? Parce que vous vous arrêtez pas là. Alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Non, actuellement je travaille, bon, mon sujet d'intérêt est un sujet beaucoup plus général, c'est la question générale de la biodiversité. Une toute autre affaire, voilà. Et puis un tout autre rendez-vous. Et la complexité. Et la complexité. On n'a pas vu, il y avait d'autres concepts majeurs. La complexité, l'émergence, et nous voilà au terme de ce rendez-vous de Continent Science. Donc je redonne le titre du livre d'Alain Payet qui s'intitule « Les cailloux du petit Poucet ». Il est édité aux éditions EDP en capital science au pluriel. C'était Continent Science. Merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques et vos critiques restent toujours les bienvenues. À la console technique aujourd'hui, le jongleur royal des potentiels, Frédérics. Pour la documentation, bien sûr, Thierry Beauchamp. À la réalisation, Denis Journeau. Stéphane Delisgeorges, Continent Science et balado diffusé. Si vous voulez nous réécouter n'importe où, n'importe quand, vous vous reportez au site internet franceculture.fr pour nous télécharger pendant un an. Demain, à la même heure, vous retrouvez René Friedman pour les révolutions médicales. Bon après-midi sur France Culture.